sors ta carte, bonhomme. Ma sœur, t'es plus française qu'on croit. Fils d'Algérien, t'entends la République dans le sang qu'un fils d'Hongrois. C'est triste à dire, mais Sarko est le seul à parler clairement aux presses. Les autres, c'est gros girouettes à la Fabrice Fiorès. Militant, d'une, je peux pas, de deux, j'ai pas envie de l'être. Nique la choco, nique la droite, je suis ambidex. Puis m'éclate un cocktail, fais-toi plaisir, nique sa race. En 2006, le respect s'arrache. Je te mon sang sur mon formulaire de demande de nationalité. Aucune animosité envers ma lettre Bouti. Mais va pas croire que c'est v'là les messies, t'as les psychopathes. Il a pas les cheveux longs, puis tu l'as déjà vu marcher sur l'eau, toi. Je brise la classe, j'ai respecté la France. J'ai pas engrossé la fille de ma boulangère pour avoir une carte au ficha. Numéro 1, ils disent qu'à Montreuil, y'a v'là les Maliens. Numéro 2, à Montreuil, y'a v'là les Franco-Maliens. Ça a collé, Niamorosé. Sors ta carte, bonhomme, sors ta carte, ma sœur. Sors ta carte, pour ton fils, sors ta carte, ma sœur. Sors ta carte, bonhomme, pour les chabibites Belsens. Sors ta carte, ma sœur, les tirailleurs Carlsen. Sors ta carte, bonhomme, sors ta carte, pour lui, pour eux. Sors ta carte, bonhomme, nique la discrimination positive façon. J'rappe des gens français par souci d'intégration. J'sais pas si tu le savais, mais en tout cas ma gueule, j'te jure c'est vrai. Tu paies les impôts, tu paies le salaire des CRS. J'pèse la morale, pèse la morale, roule un joint de seul. Sors, va t'inscrire sur les listes électorales pour 2007. Un Français n'a pas à s'intégrer, qu'il soit peur ou gitan. Il est né en France, c'est lui la France. PD ou hétéro, qu'est-ce qu'on sent pas les reins des penchants sexuels des mères. On veut du respect des euros. Les nappies sont des petites connes, cultivées et cervelées, deux en un. Elles s'inquiètent pour leur petit sac Louis Vuitton. Fais chier, Croussy. T'es aussi française qu'elle, Jean-François Copé le sait. Au Quai d'Orsay ils le savent. Dieudonné est aussi français que Marc-Olivier Feuchiel. Pour Macoumé, Bouna et Zias. On aime tous la France pour les prisonniers de guerre. Des émeutes du mois de décembre 2005. Pète le crime passionnel. Sors ta carte, bonhomme. Sors ta carte, ma sœur. Sors ta carte pour ton fils. Sors ta carte, ma sœur. Sors ta carte, bonhomme, pour les chabibites Belsens. Sors ta carte, ma sœur, les tirailleurs Carlsen. Sors ta carte, bonhomme, sors ta carte, pour lui, pour eux. Sors ta carte, bonhomme, nique la discrimination positive façon. J'rappe des gens français par souci d'intégration. M, c'est l'agent, posez votre arme et venez, un peu de courage. Me fumez plus gravement nuire à votre santé et à celle de votre entourage. Pour les quartiers de France, oubliez. Viens pas me demander pourquoi Bernadette donne son soutien à Laurie plus qu'à Chimène Badi. Hey, promets-moi un truc. Si jamais je me fais expulser pour Sommar, tu rates mon baveux. La France aux Français, Souleymane à la carte. T'inquiète, M, c'est j'ose pas. Y'a une vie après l'échec, comme Batman. J'avais perdu notre confiance, mais ça va faire plaisir à nos mamans. Casse-toi de là, fais pas le sale noir. Dis pas que pour être capitaine quelque part, je dois épouser une guerre comme de Sayou Noah. Arrête de chialer, ma gueule. La France est chez Watt. Va chercher ce qui te revient de droit. On veut des bêtes de poste. Croyez pas que ça nous amuse de brûler des commissariats. Ouvrez les portes. Algérie, Sénégal, Maroc, Tunisie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, Guinée, les deux Congo, Portugal, enfant de la République, Français d'ici, peuple d'ailleurs, peuple d'ailleurs, peuple d'ailleurs. Esta Ruti, persona non grata, Seigneur de Gaulle, hasta luego.